UFM à Mons sur le 106.9. Experiments, votre rendez-vous mensuel à vous tous les fanatiques de musiques atypiques sur UFM. To this station. There was a time. There was a time. When you could dream. There was a time. There was a time. When you could dream. Now. Now. It has become a crime. It has become a crime. To dream. It has become a crime. It has become a crime. To dream. Station. For dreams. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur UFM 106.9 sur la bande FM, ufm.be sur le web. Et c'est le retour d'Experiments, votre rendez-vous à vous tous les fanatiques de musiques atypiques. Alors une émission qui démarre comme bien souvent sur les chapeaux de roue puisque nous n'avons pas de lumière dans les studios, dans les locaux du FM. Ça ne nous empêche pas d'émettre puisque le matos essentiel à notre survie est toujours opérationnel. Mais bon, j'espère que cette panne de courant n'est pas généralisée à toute la ville et tous les environs et que vous êtes quand même en mesure de nous écouter. Alors, ce numéro est un peu spécial, non pas parce que c'est le premier de cette nouvelle année 2016, ça on s'en fout complètement, mais bien parce que cette émission inaugure une nouvelle formule, en fait, une formule un peu plus dynamique, un peu plus hybride que ce que vous avez pu écouter jusqu'à présent, notamment par le fait que nous accueillons ce soir, pour la première fois, un invité dans l'émission, Dan, alias Azrael. Salut Raoul, bonsoir à tous. Salut Dan, merci d'être avec nous. Alors tu es DJ depuis pas mal d'années, tu proposes régulièrement des mix sur Mixcloud. Tout à fait, depuis 4 ans maintenant. Cool, j'ai déjà diffusé sur la page Facebook de UFM le lien de ton Mixcloud, mais on le rebalancera par la suite, en même temps que le podcast de cette émission, une fois qu'elle aura été diffusée. Alors ce que tu venais proposer aujourd'hui, c'est donc un mix 100% vinyle. Tout à fait, 1h30 de mix. Ça promet d'envoyer du steak. On va pas trop en révéler pour l'instant à nos auditeurs sur le contenu de ton mix, sur les artistes que tu as choisis. On leur laisse la surprise, mais je peux vous promettre que ça va saigner. Alors accrochez-vous bien, surtout si on va commencer calme. Ok. On va commencer calme. Le calme avant la tempête. Tout à fait. Je me réjouis d'entendre ça. Bon, on va te laisser un petit quelques minutes pour te laisser te poser derrière tes platines. Merci. Et en attendant, on va s'écouter un morceau de Hunter Via Beat. Un duo originaire de Slovénie, avec leur morceau Kavum Oris, issu de leur tout nouvel album Atlas, qui vient de sortir, qui est disponible gratuitement sur leur page Bandcamp. Juste avant ça, on s'écoutait la légende vivante, monsieur Alan Vega, la moitié du groupe pionnier de la musique électronique Suicide, ici donc en solo avec un extrait de son album Station, sorti en 2007 sous l'excellent label Blast First. Et le morceau s'intitulait sobrement Station Station. C'est parti, on s'écoute Hunter Via Beat, reste avec nous sur UFM.

of the moon in the year of 1742. The second daughter, coin. My master was ruler of the land, governor he was of Natchitoches, where I was born and I'm heathenized in the Catholic Church. The Father, the Son, and the Holy Ghost. I watched my parents die of yellow fever. I cut open the womb of my dead mother to retrieve the bodies to bring them to my brother, but yet I could not save them. Negroes are for working and not for saving. Negroes are for working and not for saving. These tools of the herb and the bush and the moon. I am coin. These tools of the herb and the moon and the bush. I was only 16. I was only 16. There will never be any pictures of me. Voilà, c'était Oren Anbarchi pour clôturer en beauté ce pachydermique mix de notre invité Dan, alias Azrael. Merci beaucoup à lui d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager toutes ses découvertes musicales, toutes ses pérégrinations sonores. C'était un chouette petit contrepoint à notre sélection habituelle. Alors, Experiments, c'est malheureusement bientôt l'heure de nous quitter. On va bientôt laisser l'antenne à Balou et son équipe pour leur immersion Radioactivity qui commencera dès 20h. En attendant, avant de se dire au revoir, je vais vous passer deux derniers morceaux. Tout d'abord, un classique incontournable d'un des groupes les plus essentiels de l'histoire du rock, à mon sens, Joy Division, avec leur morceau New Dawn Fades, issu de leur premier album Unknown Pleasures, sorti en 1979 chez l'incontournable label de Tony Wilson, Factory. Ensuite, ce sera un petit groupe australien de hardcore punk qui s'appelle High Tension. Le morceau s'intitule Without Us et est issu d'une release sans titre sortie en 2013 sous le label OSCL Records. Voilà, je vous laisse avec ces deux dernières perles sonores. J'espère que vous avez apprécié de passer ces deux heures avec nous et je vous retrouve comme toujours le mois prochain. Comme d'habitude, le deuxième dimanche du mois, ce sera donc cette fois le 14 février 2016. En attendant, portez-vous bien et gavez-vous de musique. Bye. See you.